Bienvenue au troisième épisode. Tu sais qu'est-ce qu'on pouvait pas faire avec nos doigts en VR dans le premier épisode? En fait, un doigt. C'était un ou cinq. Ouais. Fait que pour tous les épisodes entre les deux, on les fait pas en VR. Et c'est donc le troisième épisode de Port du casque obligatoire. Cette semaine, on se bouge le casque. Mais oui! Donc, on va parler des systèmes de locomotion en réalité virtuelle. La fois la plus abstraite à parler dans un podcast, c'est de parler de déplacement dans un environnement qui n'existe pas. Ben, regarde, on va stipuler immédiatement. Quand on a commencé le show, c'était que le problème qu'on voyait, c'est que tout le monde qui parle de VR, il n'y a pas de plateforme pour ceux qui connaissent le VR. Il n'y a pas de place où on parle des choses qui nous affectent. Ben, en étant en connaissance de cause, un peu. Exact. T'sais, le fait qu'on a des discussions, on a des réflexions qui viennent à force de connaître le VR et les particularités de tout ça, qui sont mauditement abstraites pour tout le reste du monde qui disent « Ouais, c'est comme un jeu vidéo. » Il y a plus à ça. C'est comme une caméra. Ouais, pas tant non plus. C'est pas juste ça. Il y a d'autres choses. Puis, un des points les plus importants qui génère le plus de discussions depuis le tout début, c'est la façon de se déplacer en VR. Ouais, parce que ce qu'il faut comprendre, dans le fond, pour commencer la discussion, c'est que le réflexe de tout le monde, c'est de dire « Bon, ben, fine, tu veux jouer un FPS en VR, un first-person shooter, c'est facile. Tu vas bouger avec un joystick, tu vas te déplacer pareil comme dans un FPS, et tout va bien aller. » Et non, tout ne va pas très bien. Tout le monde se transforme en fontaine de vomi. Tout le monde vomit partout. Ouais, parce que, tu sais, il y a quand même deux grands clans, en fait, dans tout ça. Soit le monde aime la locomotion libre, qu'on va appeler, ou le téléporting. C'est pas mal les deux grandes familles. Locomotion libre, ouais, c'est un c'est terme pas qui. C'est le bon terme. Ça me fuck un peu parce que ça sonne positif. Mais bref, dans le fond, ça, c'est qu'on a appris avec le temps qu'il y a moyen quand même de mitiger la nausée. Évidemment, la solution numéro un, c'est la téléportation. Parce que ce qui cause le motion sickness, les nausées, c'est vraiment du déplacement artificiel que ton cerveau n'arrive pas à capter ce qui se passe. En général, tu sais, quand t'es debout, là, mettons, j'ai un exemple, j'ai un jeu de golf, c'est Golf Club, je pense qu'il s'appelle. Oui. Tu peux embarquer sur un cart de golf là-dedans. Mais tu sais, t'es pas supposé, ton cerveau comprend pas que quand t'es debout, puis le cart de golf se met à avancer comme une auto, qu'est-ce qui se passe, puis t'as comme un réflexe de partir par en arrière, mais c'est un peu le concept du motion sickness, c'est que le mouvement est artificiel. Le cerveau n'arrive pas à focusser vraiment sur la bonne information. Il y a plusieurs explications à ce qui cause le malaise et le déséquilibre. C'est distrait de base, là, mais ouais. Ouais, mais en gros, essentiellement, c'est que ce que ton corps, ce que tu vois est différent de ce que ton corps perçoit. Ouais. Peu importe si c'est pour des raisons physio-mécaniques, prenons pas un vrai terme, mais l'idée que ton corps bouge pas vraiment. Trademark, ouais. C'est le cas. On va faire des t-shirts. mais bref, pour des raisons que ton corps n'est pas vraiment en train de bouger, puis soudainement, tous les stimuli visuels, ils disent que tu bouges. Puis aussi, les mouvements qui sont non naturels, c'est des choses qui se sont rendues compte rapidement. Le monde se sont dit que il y a plein de mouvements que tu peux faire, il y a plein de déplacements artificiels que tu peux faire qui fonctionnent correctement, qui ne donnent pas de malaise. Mais il y en a d'autres qui ne marchent juste pas parce que notre corps n'est juste pas prêt à ça. Parce que c'est sûr que le premier réflexe que l'industrie a eu, ça a été de faire ce qu'on fait dans les jeux vidéo depuis 30 ans. Comme tu disais, un joystick en avant, tu avances en avant, puis tu te déplaces. Puis c'est une façon de faire, mais c'est probablement la moins bonne des façons en VR parce que c'est pas comme ça que un jeu VR se joue ou se vit. Là. Puis il y en a qui ont compris, en fait, ils ont compris ce qu'ils voulaient comprendre. Skyrim VR a beaucoup de succès, Fallout VR a beaucoup de succès. Doom VR, Doom VFR. Doom, par contre, Doom VFR fait quelque chose de différent. Un petit peu, ouais, c'est. Mais les deux premiers, Skyrim et Fallout, ils ont pris la technique 101, c'est-à-dire remplace le joystick droit de la manette par ta tête. Puis remplace le curseur de la souris par ta manette, essentiellement. Puis voilà, t'as un jeu en VR, tout le monde est content. Ouais, ouais. Bon, il y a moyen que si tu bouges pas bien vite, ça marche, là, ça cause pas de malaise. Mais c'est tellement pas des expériences VR satisfaisantes quand tu compares à des expériences natives. Là, on parle pas de locomotion en soi, là. Non, non, non. Mais c'est juste la méthode où est-ce qu'il y a le moins d'efforts possible pour créer une expérience VR. Parce que ta tête n'est pas une caméra non plus. C'est pas ça le concept, c'est que t'es dans l'environnement, t'es pas une caméra, t'es un acteur de l'environnement autour de toi. Fait que la présence. C'est ça, exactement, la présence. Est... Budget Cuts fait une très bonne présence de son environnement. D'ailleurs, si vous cherchez un jeu excellent à jouer là, qui est sorti récemment. On mélange des concepts, là, mais c'est des choses qui vont venir souvent à travers les épisodes. Mais le monde mélange souvent le terme immersion et présence. Immersion, c'est être dédié à une activité. Ça implique pas croire que t'es vraiment là, c'est juste à quel point t'es pris par l'expérience, à quel point t'es complètement dédié à cette tâche-là. Tu peux être tellement immersé dans un film, en 2D devant toi, et puis t'es complètement dans le film, dans l'histoire, t'as une bonne immersion. On a tous déjà été en immersion complète dans un jeu traditionnel. Puis ça peut être un jeu aussi simple que Contra, des vieux jeux 2D peuvent avoir cette qualité-là. Parce que la présence, c'est le moment où est-ce qu'on va prendre une action naturelle en oubliant que ce qu'on vit est virtuel. Exemple, tasser de la neige qui tombe dans un jeu en VR, parce que tu oublies que c'est pas quelque chose que tu peux faire. Là, on tombe dans la présence, on tombe dans le moment où on croit vraiment à la réalité de l'environnement. On se dit pas que c'est vrai, mais on croit à cette réalité-là. Comme mettons aussi, un budget cut encore une fois, là, mais dans une trappe de ventilation, faut que tu regardes dans la trappe comme si tu allais à travers la trappe, mais physiquement, tu vas te pencher, tu vas regarder dans ton plancher, puis tu vas te cogner le casque sur le plancher parce que tu as oublié que c'est pas vrai ce que tu vois en ce moment. Hashtag se cogner le casque. Ouais, ça sera un épisode de bientôt, probablement. Peut-être 5-6 peut-être. Là. On prend d'ailleurs vos suggestions pour les noms d'épisodes. Les numéros aussi, comme ça, je sais pas comment c'est utile, mais... On les mélange. On les prend pareil. On prend tout. Mais non, ouais, revenons à notre... à la locomotion. Fait que le point, justement, par rapport à la présence, c'est que le déplacement artificiel, pour toutes les... Souvent, le fer de lance, la position que prennent les défenseurs de la téléportation, ouais. Parce que la téléportation, évidemment, a un avantage automatique sur l'absence de malaise, parce que ça crée pas de motion sickness. Ou en fait, le bon terme, ce serait de simulator sickness, wow. Parce qu'il n'y a pas de motion, mais ça ne crée pas ce malaise-là. Puis, ça permet de profiter de l'espace dans lequel on est vraiment, si on fait du boom scale. Donc, c'est là que la présence est à son plus fort. Parce que la locomotion artificielle, à quelque part, on accepte qu'il y a une artificialité. Puis, bien, moi, je préfère l'expression locomotion artificielle, parce que locomotion naturelle ou libre, c'est moi qui marche. Exact. Je suis capable de faire ça, j'ai cette capacité-là dans mon espace réel. C'est déjà une capacité unique du VR que les autres jeux n'ont pas, donc on parle de locomotion artificielle. Mais c'est ça, ça crée. Ça, c'est une déconnexion. Oui, c'est une méthode avec laquelle on est familier parce que les jeux le font depuis toujours. Fait qu'il y en a qui trouvent ça naturel, mais c'est faux que c'est naturel. Personne ne bouge comme ça dans la vie. Non, c'est ça. Là. On bouge pas comme un joystick. Si tu penses à comment tu bouges dans un FPS, là, tu te tasses de côté de même. En général, tu glisses pas comme quand tu te déplaces aussi. Il y en a qui appellent ça sliding locomotion. J'haïs pas ça, c'est pas méchant parce que c'est le feeling que t'as aussi dans l'espace, que tout glisse. Mais ça peut fonctionner dans certains cas, le sliding locomotion ou la locomotion libre ou appelez-le comme vous voulez. On vient souvent à ce jeu-là, mais Rec Room. Parce qu'on était tous les deux genre anti. Natural locomotion, anti-artificial locomotion. Mais pas tant anti, mais moi ça me crée un malaise. J'ai tant préféré le téléport. Okay. Parce que téléport, tu sais, c'est. Faut enlever la conception que c'est juste déplacement par téléportation. C'est que ton room scale va se déplacer avec toi. Ouais. Ton 2 mètres par 2 mètres dans lequel tu joues va se téléporter ailleurs. Fait que tu vas quand même pouvoir te déplacer physiquement à l'intérieur de ta zone. C'est juste que tu déplaces ta zone dans le fond dans laquelle tu vas te promener. Puis c'est pas parfait non plus. S'il y a des jeux qui font pas de la compensation pour les téléportations, tu peux te téléporter à côté d'un mur. Ouais, ouais. Puis là, t'es dans le milieu de ton espace, mais tu peux pas te déplacer parce que t'es trop proche du mur. Il y a des jeux qui l'utilisent à leur avantage de tricher avec ça. Puis il y en a d'autres qui le font pas du tout puis que ça fait partie de la mécanique. Ouais, ouais. Mais c'est pas censé défaut même d'immersion, là, de présence, la téléportation. Là. Loin de dire que c'est une solution. Parfaite à part pour ceux qui trouvent ça plus immersif. Mais justement, comme tu disais, Rec Room. On sortit eux aussi un bot Battle Royale parce que c'est dans l'air du temps, ça sent l'air de faire une Battle Royale. Mais ils m'ont convaincu. Mais moi aussi, le pire, c'est au début, je le faisais en téléportation, puis eux autres, ce qu'ils font, c'est que dans le jeu, tu peux pas te téléporter à l'infini sans arrêter. Tu as un respawn period, là, un peu. Là, un cooldown à avoir. Fait ce que la commotion libre aura pas dans le jeu. Et en plus aussi, quand tu te rends compte que tu tombes dans un... Si l'environnement est très grand, la téléportation, c'est pas agréable. Parce que tu fais juste te téléporter sans arrêt, surtout avec un délai. Ça brise l'immersion. Pour quelque chose qui devrait être favorisé par les expériences de téléportation. Pourquoi est-ce que Rec Room, la téléportation, on va pas créer de motion sickness, puis il y en a d'autres qui vont le créer? La commotion? Ouais, la commotion, ouais. Ben c'est ça, c'est que comme je dis, on a quand même appris, autant que les fans se débattent à un niveau très très large sur le... Téléport versus sliding, comme s'il y avait une réponse à tout. Puis il y en a qui sont champions d'une solution, genre comme certains jeux font. Il y en a beaucoup qui trippent sur ce que Onward, un shooter, utilise. Mais Onward fonctionne spécifiquement parce que c'est lent. C'est un jeu tactique, donc tu bouges pas très vite. Ça aide à mitiger le malaise. Rec Room est quand même plus entre les deux, mais il respecte quelques-unes des grandes règles pour pas causer de malaise. Tu bouges jusqu'à ce que tu regardes. Ouais, fait c'est que vrai. Tu te fais pas déplacer de côté. Ça, c'est un bon point, ça, c'est vrai. Parce que, ouais. En fait, c'est pas ce que tu regardes, c'est ce que tu pointes avec ta manette. Mais t'es conscient, t'es toujours conscient de la direction dans laquelle tu vas te déplacer. Tu te fais jamais te déplacer par des forces externes. Tu vois jamais comme je m'en vais à droite ou que je m'en vais à gauche, ça va te. Ouais, ça, ou genre, tu mangeras pas un tir qui va te propulser, ou ouais, y a pas quelque chose d'autre qui va te déplacer. T'es toujours en contrôle d'où tu vas, t'es conscient. Ça l'aide beaucoup. La vitesse est relativement modérée aussi. c'est toujours une bonne chose. Puis il offre des options de confort là, pour ceux qui sont plus sensibles, donc il y a le vignettage qui va rajouter un espèce de cadre autour de l'image. Ouais, puis on l'a, en fait, quand on commence la partie de Rec Room en bataille royale, t'es sur un genre de deltaplane. Mm-hmm. Puis si tu swings d'un bord puis de l'autre, ben, ça va devenir noir pour justement éviter le motion sickness. Je pense que Wipeout fait ça aussi là, sur PSVR. Ouais, la plupart des jeux vont offrir le vignettage parce que depuis le début, c'était Ubisoft, je pense, qui était dans les premiers qui avait découvert ça avec le jeu où on est un aigle. Ouais, Eagle Flight, ouais. C'est ça, ils se sont rendus compte que si on faisait une vignette, vu que ça crée comme quelque chose de fixe à ton œil, qu'il voit dans cette périphérie, ça mitige, encore une fois, le malaise. Mais c'est pas 100%, je peux pas compter là-dessus. Fait que Rec Room, pour éviter tout doute, si t'es le moindrement susceptible à un malaise... Téléport. Ah ben t'as le mode télé pour regarder. Ah oui, c'est vrai. Ça c'était... les premiers l'avaient fait, c'était Minecraft. Que dans le fond, si on est dans un déplacement artificiel, dans un véhicule, parce que là, c'est plus les mêmes règles qui s'appliquent que le déplacement à pied, dans le fond, la réalité réduit à une télé. On est dans un salon et on regarde une télé, donc tout se passe comme sur une télé virtuelle. C'est joué en 2D, en VR, dans le fond, un peu. Là, exactement, ça évite tous les malaises, parce que c'est un petit cadre devant nous, puis tout est statique. Ouais, exactement. Fait que, on est à cette étape-là, présentement, du VR, puis c'est ça que je veux pas que... T'sais, en ayant des porte-étendards de la locomotion artificielle, puis ils commencent à gagner du terrain. Il y a de plus en plus de jeux sérieux qui vont vendre beaucoup, qui l'utilisent. Mais moi, mon concern, c'est que le monde devienne confortable avec ça, puis accepte ça comme étant la meilleure solution qu'on aura jamais. On est au début, là, ça fait juste 2 ans qu'on a du VR. On est quoi, première, deuxième génération en ce moment de VR? Essentiellement première génération. Première génération. J'ai lu un article qui disait que c'est souvent en troisième génération que les consoles, les concepts commencent à être acceptés. Fait qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, puis faut pas que... Il se range dans une case, puis ok, ben tout va finir par être free locomotion ou tout va être téléport. Ou... Ça a pris jusqu'à quand avant qu'on aille, même sur PC, là, parce que si je vais sur console, c'est pire, mais les contrôles standards d'un first-person shooter, parce qu'évidemment, le VR se rapproche le plus de toutes les choses en première personne. Ouais, bon, parce que c'est en première personne, la plupart du temps. Donc, sur PC, avant qu'on ait le mouse aim, avant qu'on dise viser que la souris, c'est une bonne idée, ça a pris quoi? Quake? Quake, Duke Nukem avait des options. Mais c'est ça, mais avant ça, c'était, ça n'avait même pas traversé l'idée de personne que ça pouvait être une bonne idée. Puis là, sur les consoles, avant GoldenEye, personne ne croyait vraiment au FPS sur console. Puis ça a pris Halo avant de rendre le FPS comme à la maison sur console. Ouais, ouais. Ça fait, il y a eu des années de gaming, puis il y en a eu des FPS avant ça sur d'autres plateformes. Il y en a eu des très mauvais avec des mauvais concepts, des mauvais contrôles. Puis fait qu'il faut laisser autant à ces idées-là de faire leur chemin. Fait qu'il ne faut pas penser justement qu'on peut juste s'appuyer sur nos... confort, nos vieux conforts de PC gamer. Puis je trouve là c'est un peu une parenthèse, mais je vais en faire d'autres dans les épisodes. Mais quand j'ai acheté mon PSVR, parce qu'évidemment sur PC j'ai un Vive, j'ai un 2 mètres par 2 mètres dans lequel jouer, je préfère en profiter, c'est ce qui me fait capoter de l'immersion physique du VR. Quand j'ai eu mon PSVR, soudainement je tombe assis avec une manette dans les mains. Ces jeux-là me semblent plus attrayants. Ouais, ouais. Fait que je comprends comment que le monde font je veux plus de tout ça. Parce que ceux qui ont juste un PSVR ou qui ont des plateformes semblables comme ça, ils ont pas eu l'expérience physique d'un room scale VR, puis c'est pas quelque chose qui leur traverse l'esprit. Fait que si j'avais juste un environnement 180 degrés, comme beaucoup d'users d'Oculus ont, ou pas de room scale du tout, ce qui est encore beaucoup de monde, donc ils ont pas vraiment d'espace pour se déplacer, je peux comprendre qu'ils veulent des expériences avec des contrôles plus traditionnels, parce que les autres, anyway, ils bougeront presque pas dans leur espace. Sauf puis je comprends que genre on va focusser sur le plus petit commun dénominateur, ce que tout le monde peut avoir, on va s'assurer que les options marchent bien. Sauf que les plus belles expériences VR utilisent bien le room scale. C'est ce qui m'a le plus convaincu à date, c'est certaines des premières expériences parce que eux autres, il n'y avait que le room scale en tête. Ouais, Space ouais. Pirate Trainer dépend du room scale. Il vit et meurt par le room scale. Puis pourtant, c'est un jeu qui est tellement 180 degrés. Sure, mais il demande de l'espace. Oui. Puis les 180 degrés, sauf 5% du temps, mais ils te laissent jamais oublier que c'est vrai, des fois, il peut varier en arrière toi ou sur ses côtés. Fait, ouais. Mais room scale surtout, puis c'est là que Jean il a dit bon, ben moi, la locomotion, c'est pas une bonne idée. Fait que dans le jeu, tu vas être à un endroit, puis c'est ta pièce. Puis le jeu est exécuté parfaitement comme ça. T'aurais pas pu avoir ça avec la sliding locomotion, ça serait un jeu pourri. Ouais, ouais. Fait bref, je veux pas qu'on perde ça. En fait, j'espère qu'on perdra pas ça en chemin en faveur des plateformes plus contrôlées. Mais c'est ça, donc j'espère que c'est pas un sujet qui va mourir. Ouais, non, c'est sûr qu'on va y revenir parce qu'il y a toutes sortes de jeux qui sortent, des expériences avec d'autres façons de faire. Maintenant, les jeux qui sont cross-platform, un peu qu'on pourrait dire de PlayStation qui vont aller jusqu'au PC, vont avoir des options qui vont te permettre de le faire en locomotion libre ou dans téléport. Fait que ça, c'est très bien d'avoir les options. On le voit de plus en plus. Tu peux faire un choix ou un autre, vas-y, puis change-les. Ouais. C'est ce qu'on voit aussi beaucoup, Internet étant Internet, c'est les fans de téléport. Ben, moins les fans de téléport vont chier, ça fait comme. Ben non, dans le fond, c'est les deux clans vont chier un sur l'autre, là, un peu, ouais, dans les commentaires. C'est surtout que le téléport a eu comme. Par défaut, était le choix des développeurs pendant longtemps. Fait que c'était surtout les fans de locomotion naturelle artificielle ouais. qui étaient très très vocaux. Qui disaient comme je veux cette option-là, moi le téléport ça me désengage complètement, j'y crois pas, c'est pas immersif, je veux plus de jeux. T'sais. Mais tu sais, souvent ce monde-là ont pas essayé du room scale, de parler comme ça, ou. Ou veulent juste jouer à Skyrim dans le fond. C'est ça. C'est correct là, mais ça en prend. C'est correct, on vous juge. Juste un petit peu. Dans votre dos, beaucoup. Mais non, mais ça prend tout, mais comme on l'a dit au début, je pense qu'on n'est pas encore arrêté sur une méthode définitive. On ne sera jamais arrêté non plus sur une méthode définitive de locomotion parce que, ben là, avec les nouveaux trackers, il y a d'autres technologies qui s'en viennent, le insider tracking. Peut-être que ça va même tout ça être appelé à changer à un moment donné. On va peut-être découvrir finalement une technique qui stimule l'oreille interne qui aide parfaitement simuler le mouvement sans que tu bouges. Soudainement, la question n'existe plus. C'est ça. Mais c'est ça, fait que là, présentement. Il y a plein de technologies qui s'en viennent aussi, on en parlera dans un autre épisode, mais Vive ont sorti que tu peux mettre maintenant plusieurs lighthouses dans plusieurs pièces qui vont succéder. Ouais, on a vu un test de jusqu'à 16 lighthouses, puis le gars se déplace à travers ça comme un seul et même environnement. C'est écœurant, là. La technologie qu'ils utilisent, justement, est extrêmement flexible. Ils ont des grandes compagnies qui avaient déjà cette technologie-là, mais ça, c'est pas end user, tu peux pas. Même un escape room ne pourrait pas avoir ça, tu sais. Le seul exemple que j'ai en tête, c'est à Disney World qu'ils font pour Star Wars, c'est que tu te promènes dans un environnement, ouais, puis tu vas pouvoir activer des switches sur les murs, fait que l'environnement physique existe, mais par-dessus, avec ton casque, t'as un remplissage qui se fait, là. Puis c'est des expériences qui sont très coûteuses à développer, puis qui demandent des entrepôts qui sont dédiés à ça, ouais, c'est pas ce que le monde va avoir à la maison. Du 30 mètres par 30 mètres, c'est bien rare t'as accès à ça, là. Si t'as un sous-sol comme ça chez vous, ben appelle-nous. On va venir faire des installations. On va juste aller jouer en VR chez vous. Ouais, on va boire ta bière, manger les chips. Parce que c'est vrai que t'as de la bière en masse. Ah, c'est ça. Un gros frigidaire à bière. Sous-sol de ton manoir. Là. Mais ouais, le seul dernier point dans le fond que j'apporterais, c'est que présentement, en fait, depuis quelques mois, le monde pousse beaucoup sur l'idée que les jeux devraient juste offrir le choix. Que tous les jeux devraient avoir toutes les locomotions dedans. Je pense pas que c'est possible pour tous les jeux. Là. C'était ça mon point, c'est que ceux qui pousse cet argument-là beaucoup, oublie que les deux types de locomotion ont des impacts très importants sur la balance sur le game design. Si quelqu'un justement peut se téléporter à côté de quelqu'un qui est obligé de se déplacer, tu peux perdre trace facilement de quelqu'un qui se téléporte si le jeu le fait d'une façon ou d'une autre, ou si le cooldown n'est pas équivalent au déplacement, ou même si tu penses qu'il est équivalent, ça va avoir certaines limitations. Donc, faut faire attention quand on dit « Ah, faut que tous les jeux offrent tous les types de locomotion, comme ça tu fais plaisir à tout le monde », tu vas fucker ta balance. Ça dépend vraiment du type de jeu. Ça dépend, c'est quoi le concept de ton jeu aussi, là? J'avais vu une idée intéressante. Ça a pas pogné beaucoup de traction, mais j'aimerais ça genre voir quelqu'un le faire puis réussir. C'était un jeu multijoueur compétitif, là, donc un shooter multijoueur en ligne, mais que t'avais différentes classes qui avaient différentes locomotions. Ah ouais. Fait que donc Rec Room le fait un peu aussi. Rec Room, Battle Royale, tu peux choisir locomotion libre ou seulement téléport. Mais là, c'est la même game. Donc, exemple, t'as un sniper qui lui se téléporte. Mais t'as un scout qui lui va faire de la locomotion artificielle. Fait que selon les rôles, si ton univers le supporte, tu fais un jeu full fantastique puis tout est réglé, là, mais que ces préférences-là ont un impact mécanique, puis c'est le genre de choses qui peut pas exister si on n'est pas occupé à expérimenter et à voir ce qui marche mieux. Donc, c'est pas une réponse, mais c'est une façon d'explorer qui fait juste comme agrandir le paysage du VR, puis présentement, c'est ça qui est le fun. Puis c'est en testant les différentes méthodes qu'on va aboutir à d'autres choses. Prends l'exemple de Sprint Vector, ils ont découvert, eux autres ils ont appelé ça le fluid locomotion. Mm-hmm. Donc la manière que ça fonctionne dans Sprint Vector, c'est que tu vas. C'est comme si tu agrippais un fil, un gros câble devant toi pour te tirer pour avancer. Fait que tu vas comme gripper, tirer, lâcher. Faire du ski. C'est un peu comme faire du ski dans le fond, ouais, c'est exactement ça. Faire du ski ou tirer sur une corde pour t'avancer. Fait que... mm-hmm. Puis ils l'ont implémenté dans d'autres jeux. Je pense que le jeu de boxe qui s'en vient va l'implémenter oui, un peu. Oui, Creed. Exact. Qui est super Survivor va implémenter ce type de locomotion-là. Fait que c'est une autre façon de se déplacer qui n'était pas existante quand il y avait le Natural Locomotion. Puis c'est pas One Size Fits All. Non. Ça marchera pas dans tout. Sprint Vector, c'est un jeu de course. On va en parler dans le prochain épisode pour les jeux de sport. Là, mais ça marchait très bien. Puis j'étais comme. Quand j'ai vu ça, je suis. mon dieu, ça va être motion sickness tout le long, puis jamais en 12 heures de gameplay que j'ai là-dedans, zéro eu mal au cœur, puis non, fait que... Puis encore une fois, si on était pris dans la même logique qu'on a trouvé la solution, ce jeu-là serait peut-être jamais arrivé. T'sais. C'est ça. Fait que, comme je disais, expérimentation va donner des beaux résultats, puis on a encore tellement d'idées comme ça qui vont peut-être nous mener complètement ailleurs. Fait que, comme je dis, j'ai pas l'impression que ce qu'on va aboutir comme contrôle standard, on le connaît aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Et voilà. Et vous, les auditeurs, quel est votre mode de locomotion préféré? Êtes-vous ouvert à différents modes de locomotion? Alors, j'allais suggérer, quel est votre mode de locomotion préféré et pourquoi ce n'est pas la locomotion artificielle? Venez commenter sur Twitter ou en dessous de l'épisode sur Facebook. Et puis on vous rappelle qu'on est diffusé en première diffusion un mardi sur deux sur le Twitch de Yonk Media, donc Y-O-I-N-K Media. Et puis le lendemain, disponible sur YouTube, sur Facebook, Twitter et notre site web pdcovr.com. Donc à la prochaine!